Lire en string, tu te passionnes pour les humains. Lire en string, mais jamais elle ne verra nos mains. Lire en string, tu t'es fiancé avec bonbon. Lire en string, quand tu t'assois, tu n'as pas l'air con. Un jour elle vit ses sabots aux pattes, mais elle n'en voulait pas. Quand ses amis trottaient dans les champs, elle restait debout tout le temps. Au lieu de jouer à galoper, elle préférait sa poupée. Lire en string, tu te passionnes pour les humains. Lire en string, mais jamais elle ne verra nos mains. Lire en string, tu t'es fiancé avec bonbon. Lire en string, quand tu t'assois, tu n'as pas l'air con. De l'autre côté du grand miroir, vous pourriez bien le voir. Il y a une humaine à peu près comme elle, qui se passionne de poney. Un beau jour, peut-être qu'elle ira rencontrer cette humaine-là. Lire en string, tu te passionnes pour les humains. Lire en string, plus jamais elle ne verra nos mains. Lire en string, tu t'es fiancé avec bonbon. Lire en string, quand tu t'assois, tu n'as pas l'air con. Lire en string, tu te passionnes pour les humains. Lire en string, plus jamais elle ne verra nos mains. Lire en string, tu t'es fiancé à...